donc un peu les filles. Allez, marquez ! Ah ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 sur Bordeaux et sur le net rigfm.fr pour écouter la fameuse émission Johnny de A à Z qui est sur les antennes, les ondes hertziennes depuis 22 ans. Oui, ça en fait, monsieur, ça en fait du temps. Oui, oui, oui, ça fait 22 ans, mais bon, elle est connue que depuis très très peu de temps, 2 mois, un truc comme ça, je crois. Non, c'est ça? Un peu plus, 3 mois alors, c'est ça. Bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette 518e émission de Johnny de A à Z ici sur RIG. Et on est là ensemble de 22h jusqu'à minuit. Aujourd'hui, je vous ai concocté une petite émission avec un album de la semaine. C'est l'album en VO, datant de 1984. Il est sorti en mars 84 exactement. On va en parler d'ici quelques secondes. Et au fur et à mesure, donc, je me suis dit, tiens, en VO, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre Johnny Hallyday en version originale, qui va reprendre des standards américains, des adaptations qu'il aurait faites sur scène, par exemple. Et aussi, en même temps, vu que j'ai créé de nouveaux duos impossibles, eh bien, je vais vous les proposer. Je vais vous en proposer 3 ce soir dans cette émission. Il y aura Elvis Presley et il y aura également Bob Seger. On retrouvera également quelques petits montages que j'avais fait, Johnny Hallyday chantant en français et la version anglaise qu'il avait faite également, qu'il avait enregistrée. On va écouter ça au fur et à mesure de cette soirée-là. Et puis quoi d'autre, puis quoi d'autre. Et puis c'est tout, c'est déjà bien. C'est déjà un bon programme. Et si on revenait à l'album de la semaine, qui est donc le 33e album studio de Johnny, sorti en mars 84. L'album est enregistré au Sun Emporium Studio à Nashville en 1983 durant les sessions d'enregistrement de l'album Entre violence et violon, et il a été réalisé par Pierre Billon, qui sera sa 9e réalisation pour Johnny Hallyday. Le 24 février, le coffret Nashville 84 est dans les bacs des disquaires, et dans la foulée sort l'album en VO qui propose 6 titres interprétés en anglais, 6 chansons, mais une seule vraie nouveauté néanmoins connue dans sa version originale française, puisqu'il s'agit de l'adaptation anglaise de Vertige de l'amour d'Alain Bachung. 4 titres ont été précédemment créés en français et publié sur l'album Entre violence et violon, Laissez-les sur ma vie, Signe extérieur de richesse, Pour ceux qui s'aiment, Quand un homme devient fou, idem pour la chanson Les anémones de l'album spécial Enfants du rock. Et en VO, ici veut dire davantage en anglais dans le texte. L'album eut un succès d'estime et demeure confidentiel dans la discographie de Johnny Hallyday. On va écouter tout de suite le premier titre. Ça va être vite fait, hein. En principe, dans une émission, c'est 7 titres de l'album de la semaine. Cet album ne contient que 6 titres. Eh bien, on va tous les diffuser pour votre plaisir. Le premier titre qu'on va écouter, c'est Ain't No Stopping Now. Autrement dit, c'est la version anglaise de T'as mis des scellés sur ma vie. Bonne écoute à toutes et à tous de l'émission Johnny de A à Z. See this face.

moi je serai là. Je serai là si tu veux, comme ces rêves qui rendent heureux. Ta vie, je serai là si tu veux, oui, comme la vie, on vit à deux. Si tu es là, je serai là. Dans le souffle d'un vent géant, dans le sourire du printemps, quand tu voudras, serai là. Dans tes moments de solitude, dans le confort où la vie trop dure, ah, je serai là. Je serai là si tu veux, comme ces rêves qui rendent heureux, pour faire d'un jour le plus beau jour de ta vie. Je serai là si tu veux, et comme la vie qu'on vit. Tu es là, je serai là. Si tu es là, je serai là. Tes yeux ou dans ton sommeil, quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu voudras, je serai là. Je serai là si tu veux, oui, comme ces rêves qui rendent heureux. Nous aurons le 7 juin une émission spéciale Johnny Hallyday et avec aussi Xavier Perrault et sûrement aussi le studio Townhouse qui a travaillé sur le remix de ce concert du Parc des Princes où on aura donc les trois soirs, ceux du 18, 19 et 20 juin. Ils ont pas travaillé à partir des bandes originales, donc ils ont tout retrouvé, ils ont tout numérisé tout ça, donc et en même temps retravaillé. Donc on aura une nouvelle orchestration comme on a pu écouter sur ce titre. Déjà Je serai là qui est bien une version remixée et on aura plusieurs extraits à vous diffuser au cours de cette émission et en même temps on parlera aussi des deux albums qui sortiront, les archives live Johnny avec Toulouse 65 et Lyon 1973. On aura tout ça pour le 7 juin dans l'émission Johnny de A à Z. L'émission n'est pas encore enregistrée, elle sera enregistrée la semaine prochaine. Voilà en information tout ce qu'on peut vous dire. Si tu es là, je serai là. Bon d'accord, ça marche, merci Thierry, merci. Je sais que tu es toujours là, mais moi si je suis là tu es là, ça marche pas à l'inverse forcément. Tiens, qu'est-ce qu'on va diffuser maintenant? Tout à l'heure, je vous ai parlé des duos impossibles. Eh bien, la semaine dernière, j'ai pu concocter un nouvel duo impossible, Bob Seger et Johnny Hallyday. Une chanson commune aux deux, c'est « Mon petit loup, ça va faire mal ce soir » ou autrement dit « Betty Lou is going out tonight » par Bob Seger. Et voilà ce que ça donne avec la version, avec la base de Bob Seger en concert et la base de Johnny Hallyday en concert en 1990. Hey, tellement de temps que l'on navigue ensemble, ça ne finira jamais. Johnny et les années 2000. Bolero, c'est questi mura che ci accondano solo me. Secondo eterno senza te. Pas l'humour, pas la culture, assez noirs pour tout avenir, et des yeux qui ne savent pas mentir. Quand on parle d'une émission avec un thème Johnny en VO, eh bien on écoute aussi Johnny Hallyday avec la version française évidemment d'origine hein, de La Loi du Silence et avec les paroles en italien Parole a Silenzio. Il y en aura aussi d'autres, deux ou trois comme ça encore au cours de cette émission. On revient à l'album de la semaine qui est en VO, sorti en mars 84 et voici le prochain titre qui s'intitule Casually of Love, donc la reprise du titre de Alain Bashung Vertige de l'amour, merci, et diffusé en single cette chanson en face B du 45 tours Mon Petit Loup, ça va faire mal ce soir. Et c'est cette chanson est un succès radio au point que le disque connaît une seconde édition qui désormais mentionne la chanson au recto de la pochette. Initialement, la première édition n'indiquait que le titre Mon Petit Loup et les deux chansons connaissent un succès égal, bien entendu. On écoute ça et puis aussi on a eu entendu lors des Sunday Rock, et puis je crois que je vous l'ai déjà diffusé dans l'émission Johnny de A à Z, le duo Johnny Hallyday et Alain Bashung. Alain Bashung chantant en français et Johnny chantant en anglais. Suddenly remember just what was she saying. She said, yes, I want you, but I've been hurt before. Baby, I believe you, but I need to be sure. To your love, I went by to see her, to try to explain. I tried told her that I loved her. I wouldn't cause her any pain. Oh no, that's not my game. Cause I have been casual to your blue. So don't fool yourself. I don't love nobody else. Johnny et les années 80. Oh. Ah. Quel métier fatigant. Tonight Johnny est en duo avec Vicky Leandros sur son album Love is Alive en 1981. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Ben, donc le thème de la soirée, c'est Johnny Hallyday en VO. Ben, voici Johnny Hallyday qui reprend une chanson des Rolling Stones. Et je suis en train actuellement de faire un petit duo impossible Rolling Stones et Johnny Hallyday sur ce titre-là. Voici Honky Tonk Woman. Jane saw the five-room queen in Memphis. Well, she tried to take me upstairs for the line. Had to hit me right across her shoulder. I just can't seem to drink it of my mind. For C in New York City, I had to put up some kind of a fight. The lady then she covered me in water. She blew my nose and then she blew my mind. Blue.

nur du. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. À la semaine prochaine, Antoine. Ah non, pas dans la semaine prochaine, mais un peu plus tard. Voilà, au cours du mois de juin. La dernière émission, le 27 avril dernier, je vous avais diffusé, je vous avais fait une émission, les duos impossibles. Et puis, il y a quelques duos impossibles que j'aime beaucoup, hein, qui ont beaucoup résonné aussi auprès de vous hein, sur Facebook. C'était le titre notamment de June Hallyday de Kenny Rogers avec « J'aimerais pouvoir encore souffrir comme ça ». « Oh, I wish that I could have that way again ». On est parti sur la base symphonique, la base de Johnny Symphonique. Oh, I wish that I could hurt that way again. At least I had you every night. In between the sorrow, at least there was tomorrow. And as long as there's tomorrow, there's no end. Oh, I wish that I could hurt that way again. J'aimerais qu'on puisse repartir à la guerre. Même si je sais que chaque fois je la perds. Et quand tu me désertais, la solitude me tuait. Plus sûrement que les jouets idiots de la haine. Oh, j'aimerais pouvoir souffrir comme hier. I'd love to hear you tell me you don't need me anymore. Just like you used to tell me every day. Ouais, j'aimerais tant te voir partir comme tu l'as si souvent fait. Et au moins mes yeux te verraient t'en aller. Oh, oh, I wish that I could hurt that way again. Comme du temps où de temps en temps t'étais là. In between the sorrow, at least there was tomorrow. Et au moins je savais t'étais pas bien loin. Oh, I wish that I could hurt that way again. J'aimerais pouvoir encore souffrir demain. On revient à l'album de la semaine qui est en VO, sorti en mars 1984. Et le prochain titre que je vous propose d'écouter, c'est On the Edge of the Age. Autrement dit, la version anglicisée de la chanson Signe extérieur de richesse. Voilà. Nowhere I can hide. I know there is. tell me I should have a plan when I only have tonight. I know there is a price to pay. I know that it's very kind to take. At least I know that I'm alive when I'm fighting to survive. Out on the edge, I can't forget. Out on the edge, with no regrets. Hanging on by silver threads. I live my life. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny, on le retrouve en 1996 à l'Aden Theater à Las Vegas avec ce titre High Heel Sneakers. Vous allez découvrir un nouvel duo impossible, Johnny Hallyday et Elvis Presley, sur le titre Lady Miss Cloudy, sur le thème de RIG. Girl, but you just want to read me right. You Simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de Blue. Voilà, musique vibre. Optique 2000, c'est deux paires pour le prix d'une. La deuxième paire est gratuite, même en progressif solaire. Optique 2000. J'en ai assez dans la radio. Les mêmes sons et les mêmes tempos. Il faudrait que la musique s'affole. Tout comme au bon vieux temps du rock and roll. Pour une fois, je suis resté fidèle. Optique 2000. C'est pour tous une deuxième paire pour 1 euro de plus, même en progressif solaire. Bon, maintenant, on va essayer de continuer un peu de musique. On retrouve tout de suite Johnny Hallyday et Michael Bolton avec ce titre de 1996, Fool for Love. Autrement dit, la reprise de Requiem pour un fou, en version anglaise. I'm coming out with my hands up. Put down your guns and I'll confess. I love them more than life itself. Shoot, then shoot, and welcome an eternal sleep. No man has ever felt a love so deep. I took a life, a tender life. I couldn't bear to think to see. Laugh and love and give yourself. I do not care. I'll meet her in another life somewhere. I was a fool. A fool for love. A fool who believed that she I'm Il y avait deux versions. La version où elle était entièrement en anglais. Et puis la deuxième titre, c'était la version anglaise par Michael Bolton et la version française par Johnny Hallyday. Après Johnny Hallyday en anglais, on aime ou on n'aime pas. Voilà, nous revenons à l'album de la semaine qui s'intitule En VO et qui est sorti en mars 1984. Troisième extrait qu'on va écouter, ce sera le titre Les années mono, soit mono rock and roll pour le besoin de cet album-là qui était destiné pour un marché. Alors, anglais, francophone, hein, tout ça, je sais pas. You're 16, good looking. You're part of the last wave. You buy the same kind of jeans that Elvis used to wear. Ain't you room on the poster? Just above your bed. You James Dean with the first lipstick you had. Put on your high heel sneakers and let yourself go. In the old record shop, you spend your time and it's cool to hear dusty rock and roll. And white on your screen. There's nothing like the feel of mono rock and roll. She'll always love the sound of mono rock and roll. Salut, c'est Johnny. Ça arrive qu'on avance un petit peu trop vite le jingle. On se retrouve maintenant en 1984. Nous sommes lors des Sunday Rock. Et il y avait le duo June Hallyday et Tony Joe White qui nous reprenait le titre Poke Salad Annie. Le titre qu'avait écrit Tony Joe White pour Elvis Presley. Some of y'all in the studio, they never been there in say you better one more time. Don't you understand what we're talking about? And here we got a plan. Looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. That's poke salad. It for supper, and if she had any left over, she'd hang it on a clothesline. But she did all right. The gator got your granny. Chomp, chomp. Everybody said it was a shame, 'cause her mama wasn't working on a chain gang. Wretched, spiteful, straight razor toting woman. Salad, carry it home in a toast sack. Salad, the gator got your granny. Chomp, chomp. Everybody said it was a shame, 'cause her mama wasn't working on a chain gang. A little book salad to me. Yeah. Oh, I need me a mess of it. Suck a little. Maintenant à la Cigale, c'était en 1994. Et le titre Give Me Some Loving. Jefferson Airplane. Vous écoutez RIG, la radio de John Hayday, le mercredi soir de 22h jusqu'à minuit. Et là ce soir, on va écouter principalement John Hayday en VO, en version originale, ou plutôt, si vous préférez, version en anglais. Hein? et les années 60. Et par ici. That sounds like jungle music to me, children. I got a little jungle song for you. Well, down in the jungle where the wind blows, we lived a signified monkey in a coconut tree. Monkey met the lion one bright sunny day. Said, if you're gonna be the king, you've gotta move this way. And do the monkey shine. Ah, do the monkey shine. A new sensation that's shaking this nation called monkey shine. Fast dunk your buffalo, Chicago by the lake, Omaha and Denver and out in L.A. On my way to Memphis and that hometown of mine, Jackson, Tennessee, they're doing the monkey shine. The monkey shine. That's shaking this nation. Monkey shine, it's cold. Monkey shine. Well, the lion let out with a great big roar. His tail went back like a 44. Monkey grabbed a trilling just in time. He raised one foot up and down. The monkey shine. It's a monkey shine. It's a monkey shine. Well, it's a new sensation that's shaking this nation. It's monkey time. Everybody do the monkey shine. That's shaking this nation. It's monkey time. Let's do the monkey time, everybody. It's monkey time. Everybody. Do the monkey time. Monkey, monkey time. Monkey Time, It's Monkey Time, c'est sous le titre erroné It's Monkey Time que personne ne paraît pressé de rectifier. Le titre s'intitule vraiment Monkey Shine et cette chanson est apparue au dos du 45 tours allemand L'Achtie Lot Dort Rieden qu'on a entendu tout à l'heure dans la rubrique de Antoine de Cône. Et sur l'étiquette est mentionné Hans He, adaptateur germanique, alors que le texte reste en anglais. Et Monkey Shine fit l'objet d'un sample de Carl Perkins et fut également enregistré par Bill Black ainsi que par Sylvie Vartan. On va retrouver tout de suite un duo impossible qu'on a écouté lors de la dernière émission de Johnny de A à Z, la 517e avec les duos impossibles, oui. Et puis aussi, celui qu'on avait apprécié également, c'était le duo impossible You and Lewis and the News et Johnny Hallyday sur le titre Hard Rock and Roll, autrement dit le cœur du rock and roll. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday le mercredi de 22h jusqu'à minuit. Voici un duo impossible à présent. Chez Métal Hurlant, le rock c'est la seule vraie dégaine. Y'a un nuage doré qui fredonne Loving You, qui saute au-dessus de ma tête, et des cordes qui tarent comme les cheveux d'une star qui tire les fils de ma marionnette. They say the hard rock and roll is still beating, and from what I've seen, I believe them. Is

Vous avez reconnu donc le Hard Legs, la version alternative, donc extrait du coffret Bercy, et c'était daté du 23 septembre 1995. À présent, on va retrouver à nouveau John Hallyday avec l'album de la semaine en VO, sorti donc en mars 1984, et on va retrouver la version anglaise, anglicisée de la chanson Pour ceux qui s'aiment, autrement dit, I'll make you believe in love again, je te ferai croire à nouveau à l'amour. Oh oui, bébé. On se sert, on sert, on sert, on sert maintenant. Slow, slow time. I think of you and all the times that we had nothing to do, making love when we liked. We turned days into nights, and you made me believe in love. I can't remember, and if you came back tonight, we wouldn't be strangers. Making love when we like, we'll turn days into nights, and I'll make you believe in love again. Making love. Part du côté des duos impossibles, voici un nouveau duo impossible que je vous propose, Bob Seger et John Hallyday sur le bon temps du rock and roll, autrement dit old time rock and roll. On retrouve John Hallyday en 1900 en quelle année déjà? Je ne sais plus en quelle année je l'ai pris celui-là, je crois que c'était oui, en Stade de France 1998, et la version de Bob Seger, c'était extrait donc de son live 9 je sais plus quoi. Je vous retrouverai ça datant de 1981. On écoute ça tout de suite en train de diriger nouveau tour. We'll be right back.

should have known what I said was wrong. I don't know why I'll ever see. For all the tears I made you cry, for all the rain that fills the sky, will fall down on me. Just one moment in your life can change you forever inside. But I was too blind to realize. Ooh, just one moment in your life can cut through your heart like a knife. Just one moment. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Entre Johnny Day au Palm Beach à Cannes, c'était le 31 janvier 1995. Sous la caméra de Fabrice Groupeau, l'interprète est Hey Joe. Man. Oh, I'm going gonna shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. Hey Joe, I heard you shot your woman down. En duo avec Ian Wilson, c'était à Cannes en 1995. On revient pour l'avant-dernier extrait de l'album de la semaine qui s'intitule en VO, et même carrément c'est le dernier extrait de l'album de la semaine, When You Turn Out The Lights, autrement dit Quand Un Homme Devient Fou. C'est tout de suite sur l'antenne de RIG dans l'émission Johnny de A à Z, et cet extrait de l'album en VO sorti en mars 1984. shadows getting soaked down to my feet. I just wait here every night till you come home. And I know that every night you won't be alone. Here comes taxi. Take no more. Johnny et les années 60. All right, shake, baby. Yeah, come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Yeah, I said, come on over, baby. Baby, you can go on. You ain't faking. Whole lot of shaking going on. Well, I said, come on over, baby. We got a shaking in the bar. Yeah, come on over, baby. We got the girl by the horn. Well, we ain't faking, baby. Whole lot of shaking going on. Let's shake. Well, shake, baby, shake. I said shake, baby, shake. Well, shake, baby, shake. Hey, shake, baby, shake. Come on over. Whole lot of shaking going on. Chicken in the bar, who's bone, what bone, my bone. Come on over, baby, we got to pull by the horn. Well, we ain't thinking, whole lot of chicken going on. Easy now, I say check, check it, baby. Yeah, you can check it one time with me. Oh, yeah. Oh, I say come on over, baby. Whole lot of chicken going on. Down while we low now. Shake, baby, shake. You got a deal, honey? This guy that's standing one spot and wiggling down just a little bit. That's when you got something, baby. All a lot of shaking going on. Just one more time. I said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. Woo! Shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. Come on over, baby. All a lot of shaking going on. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Pour l'avant-dernière chanson de cette... The song by Lonnie Donegan. Yes. Dead or Alive. Voilà. Nous sommes à Houston, au House of Blues. C'était en 2014, Johnny l'interprète, Dead or Alive. Et après, cette chanson rendra hommage à Tina Turner. Wouldn't you, Sheriff, send me a letter? Wouldn't you, Sheriff, send me a letter? He said, come up and see me, dead or alive. Come up and see me, dead or alive. Cause it's a hard road, dead or alive. Well, it's a hard road, dead or alive. It's a hard world, get a life. Well, I don't like the Hard Rock Hotel. No, I don't like the Hard Rock Hotel. Dinner and life, no sheriff. Dinner and life, no sheriff. It's a hard road, dead or alive. When it's a hard road, dead or alive. When it's a hard road, dead or alive. A hard road, dead or alive. Send me my feature. Get it either. Send me my feature. Tell me, I don't want to fight it. I don't want to fight it. À présent, nous rendons hommage à Tina Turner qui nous a quittés ce mercredi 24 mai des suites d'une longue maladie. Et par une chanson que Johnny avait repris en français, une chanson à la base des Creedence Clearwater Revival, Proud Mary, qu'après Ike et Tina Turner ont repris à leur compte sous une version beaucoup plus rythmique, et Johnny l'aura reprise en 1996 lors de son concert à l'Aladdin Theater. Voici tout de suite hommage à Tina Turner, Proud Mary, sur l'antenne du RIG dans l'émission Johnny de la Z. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough. That's the way we do Proud Mary. And we rolling on a river. Listen to the story now. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. But and I never lost one minute of sleep. And I was worrying about the way that things might have been. Big wheel keep on turning. Tina Turner, la reine du rock and roll, the queen of rock and roll. C'est la chef de cette émission, Johnny de la Z, avec l'album de la semaine en VO, en version originale, j'ai préféré. Oui, mais c'est surtout Johnny Hallyday en anglais qu'on a écouté tout au long de cette émission. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté et participé aussi à cette émission via Facebook. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et cette fois-ci, ce sera une émission en live. Bonne nuit à toutes et à tous, à bientôt, ciao ciao.